Si t'avais une voiture, t'aurais pu aller bosser. Oui, mais voilà, t'as pas de voiture, et moi je m'en bats, bas l'allure. Si t'étais président, t'aurais vu la grotte Lascaux. Oui, mais voilà, pas de Lascaux, et moi je m'en bats, bas Lascaux. Si t'étais de la mafia, du jeu et de la roulette russe, t'aurais gardé ta poupée russe, mais moi je m'en bats, bas les Russes. Si t'avais de l'avoine, tu mènerais pas ta vie de moine. Oui, mais voilà, t'as pas d'avoine, et moi je m'en bats, bas l'avoine. Tu dis que ça te concerne, le moral des ménages en berne. Tu travailles trop, et que t'as des cernes, moi je te dis, bas l'hiverne. Tu dis je sauve des otages dans mes missions de sauvetage. Tu dis que tu sauves la ballotage. Je te prédis le ballotage. La France d'en bas l'hiverne, de la terre à la lune, et elle voudra plus de tes balivernes. Balivernes.